Chapitre 29e. 5 ans s'écoulèrent. Le général de Morfontaine avait alors 75 ans environ. C'était un beau vieillard, droit comme un nid, en dépit des années, la tête couverte d'une forêt de cheveux blancs, portant toute sa barbe, qui lui descendait sur la poitrine comme celle des patriarches. Monsieur de Morfontaine ne quittait plus belle ombre. Assez semblable à ce chêne séculaire, demeuré le dernier d'une vaste forêt disparue, et n'ayant plus auprès de lui qu'un frêle rejeton, monsieur de Morfontaine élevait Daniel, la fille de sa fille, le sang de son sang. Daniel avait 8 ans. Elle était toujours blanche et rose. Elle avait le grand œil bleu limpide et le sourire charmant de sa mère. Elle avait la blonde chevelure de l'infortuné comte Hector de Mainhardy. Daniel était devenu la dernière joie de ce malheureux vieillard, que la Providence semblait oublier sur la terre alors qu'elle avait ouvert la fosse de tous ceux qui l'avaient aimé. Daniel s'asseyait sur ses genoux, passait ses petits doigts dans sa barbe blanche et l'appelait mon père, avec un accent qui rappelait au général la voix de la pauvre Diane enfant. Daniel enfant était devenue la petite fée, l'idole de belle ombre. C'était pour elle que les jardiniers semaient de fleurs les gazons du parc, pour elle que le vieux Mathurin, le vieux garde-chasse, avait pris une jolie chevrette qu'il avait dressée et qui vivait apprivoisée dans le parc. C'était pour Daniel encore que les pâtres dénichaient des oiseaux, que les enfants des métayers tressaient des corbeilles avec des joncs. Pour elle enfin, qu'à belle ombre, chacun s'efforçait de sourire et de paraître heureux. 2 anciens hôtes du manoir manquaient seuls autour de cet enfant, qui devait en être un jour la maîtresse. C'était d'abord Madeleine. La pauvre nourrice de Diane était morte, 6 mois après la baronne, elle était morte de douleur. Puis c'était aussi Grain de sel. Grain de sel, le brave gars, le hardi garçon qui s'était dévoué à Diane, à Hector, au général, à toute cette race qu'il aimait et vénérait. Où donc était Grain de sel? Un jour, il y avait de cela 2 ans environ, Grain de sel avait atteint sa 21e année. Comme les jeunes gens de son âge, il s'en était allé au chef-lieu du canton plonger sa main dans l'urne. Et le soir, il était revenu à belle ombre, portant à son chapeau une pancarte blanche sur laquelle était inscrit le numéro 1. Grain de sel était conscrit. Mais le fils de Madeleine appartenait de cœur et d'âme au général, et le général avait plus de 150 000 livres de rente. Monsieur de Morfontaine pouvait donc remplacer Grain de sel aussi facilement que Grain de sel laissait tomber un sou, le dimanche, dans le plat du quêteur à l'église du village. Cependant, il n'en fut rien. Quand il fut de retour à belle ombre, monsieur de Morfontaine prit le gars par le bras, le conduisit dans un coin de la salle à manger et lui dit « Te voilà donc soldat, mon pauvre Grain de sel ?»« Oui, monsieur le marquis. Appelle-moi donc mon général. »« Oui, mon général. »« Eh bien, mon gars, » poursuivit monsieur de Morfontaine, « puisque le sort l'a voulu, il faut lui obéir. » Grain de sel tressaillit, aperçut la petite Danielle qui jouait avec un grand chien de chasse, et des larmes coulèrent de ses yeux. Le général comprit la douleur du fils de Madeleine. « Ah oui, » dit-il, « je sais. » « Tu ne veux pas me quitter ?» Grain de sel baissa la tête. « Et puis tu ne veux pas quitter Daniel ?» Grain de sel fut pris d'une émotion subite et fondit en larmes. « Eh bien, » dit le général, « c'est pour elle que je veux que tu partes. »« Pour elle ?»« Oui, mon gars. » Grain de sel le regarda avec étonnement. « Écoute, mon enfant, » poursuivit monsieur de Morfontaine, « je suis vieux, mais je suis solide encore, et je tiendrai encore bien 5 ou 6 ans. Tant que je serai là, Daniel n'a besoin de personne pour veiller sur elle. « Oh non, certes, » dit Grain de sel, « mais après ?»« Après, il lui faut un protecteur, comprends-tu ?»« Oui, » fit Grain de sel, « et ce protecteur, ce ne peut être aucun de mes neveux. » Un nuage passa sur le front du gars. « Ils sont mariés, » continua le général, « mariés tous 3. Ils ont des enfants, et je les frustre de mon héritage. »« Je comprends, » dit Grain de sel, qui n'osa point manifester sa pensée tout entière. « Donc, ce protecteur ?» Le général regarda Grain de sel. « Ce sera moi, général. »« Bien parlé, enfant, » dit monsieur de Morfontaine. « Mais pour que tu sois tout à fait un homme assez intelligent, assez fort, assez énergique pour défendre la fille de ma pauvre Diane, il faut que tu passes par la bonne, la vraie, la seule école où se triturent les individualités, l'école du régiment. Sois soldat, mon enfant, tu reviendras officier. » Car tu es courageux, intelligent et fidèle. » Grain de sel courba la tête avec soumission. 3 mois après, Le conscrit recevait sa feuille de route en destination de la province d'Oran. Le général lui mit une poignée de louis dans la main. « Bah, dit-il, sois brave jusqu'à la témérité. C'est un moyen de revenir sain et sauf. Daniel a besoin de toi. » Donc, Madeleine était morte et Grincelle avait échangé sa braie rouge et sa veste bleue contre l'uniforme des chasseurs d'Afrique. Le vieux général vivait seul à belle ombre avec sa chère petite Danielle, dont il s'était fait le précepteur. Danielle courait comme un petit lutin par les sentiers du parc et les pelouses vertes, bondissant comme le chevreuil que lui avait donné Mathurin et vivant dans la plus complète liberté. « Je veux que ce soit l'enfant de la nature, » disait souvent le vieillard, « qu'elle apprenne ce qui lui plaît, qu'elle laisse de côté ce qui lui répugne. Quand elle sera femme, elle épousera l'homme qu'elle aimera. » Or, un matin de printemps, le château de Belle-Ombre reçut une visite. C'était le vicomte de la Morlière et sa femme qui arrivaient en compagnie du baron de Passecroix, marié depuis 2 ans. Le baron amenait à son oncle sa jeune épouse, que le général, qui n'avait point quitté le Poitou depuis la mort de Diane, n'avait point vue encore. Seul des 3 cousins, le chevalier de Morfontaine, manquait à cette réunion de famille. Le chevalier était retenu à Paris par une grave indisposition de sa femme. Le chevalier s'était marié 1 an après la mort de Diane. Cependant, le général l'attendait comme ses cousins, car ce n'était point le hasard qui présidait à cette réunion. 15 jours auparavant, le vieux marquis avait écrit à chacun d'eux la circulaire suivante. « Mon cher neveu, je vais accomplir le 15 mai prochain ma 75e année. Et bien que je s'avère encore, je désire prendre quelques précautions dans l'éventualité de ma fin prochaine et songer à l'avenir de ceux que j'aime et laisserai derrière moi. Amène-moi ta femme et viens célébrer avec elle à Belle-Ombre mon 75e anniversaire. Ton oncle dévoué, général de Morfontaine. » Le chevalier avait manqué à l'appel, mais le vicomte de la Morlière et le baron de Passecroix étaient arrivés le 14 au matin. Or, le 15 mai n'était point seulement un jour de réjouissance pour le château de Belle-Ombre, c'était encore celui de la fête patronale de Bellefontaine, le village voisin. Donc, le 15 mai au matin, le vieux général, tenant la charmante petite Danielle dans ses bras, monta avec ses 2 neveux et ses belles pièces dans son antique carrosse d'apparat et se rendit à l'église de Bellefontaine. Devant le modeste hôtel de Ville-du-Bourg, une baraque de saltimbanque s'était établie et un paillasse à cheveux roux, à la barbe inculte, le visage tout barbouillé d'une sorte de couleur brune, amusait la foule de ses lazzi en distribuant force torgnoles et croquant-jambes à 2 pauvres petits-enfants qui faisaient contre mauvaise fortune bon cœur et mangeaient une maigre pitance, la représentation terminée, bien qu'ils eussent joué un rôle de prince et de princesse. En sortant de la messe, le général passa devant la baraque. Daniel aperçut les enfants et dit « Ah, petit père, comme ils ont l'air malheureux. Je voudrais bien jouer avec eux pour les distraire. » « Cher enfant, murmura le général, cela n'est pas possible. » Et comme la petite fille avait déjà les larmes aux yeux, « Mais, ajouta-t-il, on peut les faire venir à Belle-Ombre demain. » Et il dit au vicomte, « Vois ce saltimbanque, et dis-lui que s'il veut venir demain à Belle-Ombre, nous faire des tours et pasquinades, on le payera grassement. » Tandis que le général et sa suite remontaient en voiture, M. de la Morlière s'approcha en effet du paillasse. Celui-ci ôta respectueusement sa casquette et s'avança sur le bord de l'estrade. La foule s'était écartée devant le vicomte, nul ne pouvait entendre ce que ce dernier allait dire. « Hé !» fit le vicomte en souriant. « Tu es si bien métamorphosé, maître Ambroise, que je n'avais jamais su que c'était toi. Monsieur ne m'aurait point reconnu ? Non. » Le paillasse eut un sourire conquérant. « On ne me reconnaîtra pas davantage à Belle-Ombre, » dit-il. « Je l'espère bien, » dit monsieur de la Morlière. « Mais tu n'y viendras pas. Il faut faire le coup aujourd'hui même, si tu peux. »« On tâchera. Soyez tranquille. Fiez-vous à moi, » dit le paillasse. Quelques heures après, en sortant de table, le général marquis de Morfontaine dit à ses neveux d'un ton qui ne manquait pas d'une certaine solennité. « Mes chers enfants, veuillez me suivre au grand salon. C'est là que je vous ferai connaître dans quel but je vous ai réunis. » Et il offrit le bras à Madame de la Morlière avec une galanterie toute juvénile. Dans le grand salon de Belle-Ombre, pièce austère et froide, qui avait gardé comme un vague reflet des âges passés et dont les tentures sombres avaient un aspect de tristesse, M. de la Morlière aperçut un homme vêtu de noir, assis devant une table sur laquelle se trouvaient étalés divers papiers. « Je m'en doutais, » pensa le vicomte, et il échangea un rapide regard avec M. de Passecroix. La petite Danielle avait suivi son grand-père. « Va jouer, mon enfant, » lui dit le général. « Va jouer dans le parc. »« Oui, père. »« Et ne va pas jusqu'à la rivière ?»« Non, père. Tu sais que je te l'ai défendu. »« Oui, père, » répéta l'enfant. Elle jeta ses bras au cou du vieillard, qui baisa avec amour les tresses blondes de ses cheveux et la renvoya en souriant. Alors M. de Morfontaine invita ses neveux et ses nièces à s'asseoir et leur dit « Je vous ai réunis, mes enfants, pour vous parler à cœur ouvert. »« Parlez, mon oncle, » dit M. de la Morlière qui feignit l'étonnement. « Je vous ai réunis, » continua le vieillard, « parce que je n'ai jamais bercé personne de folles espérances, et que je veux que vous respectiez mes volontés après ma mort comme vous les avez respectées durant ma vie. » Mais... « Mon oncle, » s'écria le baron de Passecroix, « vous savez bien que nous vous aimons et vous vénérons. »« Je le sais, mes enfants. »« Et que, » ajouta le vicomte, « nous aimerons mieux mourir que de vous déplaire. » M. de Morfontaine eut un bon sourire et poursuivit. « Il y a 5 années, mes amis, que votre pauvre cousine est morte victime d'une fatalité épouvantable. »« Hélas !» soupira M. de la Morlière. « Ce jour-là, aux yeux de la loi, vous êtes devenus tous trois mes héritiers. »« Ah, mon oncle !» de tels souvenirs. Mais, reprit le vieillard d'une voix ferme, ce jour-là aussi le ciel m'a laissé un enfant à la place de cet autre enfant qu'il me reprenait. Daniel m'est resté. Et c'est une bien grande consolation pour vous, mon oncle, dit le baron. Eh bien, mes amis, voici ce que je voulais vous dire. J'ai fait 2 parts de ma fortune, un gros et un petit lot. Le petit lot se compose de la terre de Morfontaine, située en Vendée, de 150 000 francs placés en bons du trésor et de mon hôtel de la rue de Vermeuil, qui vaut à peu près la même somme. Mais, mon oncle, écoute-moi donc, vicomte. Le manoir vendéen, berceau de notre famille, est pour le chevalier qui est le dernier de mon nom. C'est trop juste, dit le vicomte. Quant à toi et Passecroix, je vous donne à choisir entre les 150 000 francs et l'hôtel. Ah, mon oncle, s'écria le vicomte avec attendrissement, c'est cet hôtel plein de vous et qui gardera votre souvenir que je veux. « Bien, mes enfants, » dit le général, « quant au gros lot, qui se compose d'environ 150 000 livres de rente, vous avez deviné, n'est-ce pas ?»« C'est la dot de Daniel, » dirent spontanément les deux cousins. « Vous avez raison, mon oncle. »« Bien dit, mes enfants, vous êtes de noble cœur. » Et, ajouta le général, « pour tout prévoir, j'ai voulu faire mon testament devant vous. Monsieur le notaire de Bellefontaine, que voilà, va vous le lire. Il ne manque plus que ma signature et la vôtre. »« La nôtre ?» fit le vicomte. « Oui, mon ami, j'ai voulu tout prévoir et rendre mon testament inattaquable. » Vous écrirez tous deux au bas, et le chevalier, quand il viendra, en fera autant ces quelques mots. « Aujourd'hui, 15 mai 1830 et quelques, je reconnais avoir pris connaissance du testament de mon oncle, le marquis de Morfontaine. Je déclare l'approuver entièrement et m'engager formellement à respecter sa volonté. » Monsieur de la Morlière interrompit le général. « Ah, de grand cœur !» dit-il. « Eh bien, monsieur le notaire, » dit monsieur de Morfontaine, « veuillez nous donner lecture de cet acte. » Mais comme le notaire s'apprêtait à lire, il se fit au dehors un grand bruit et des cris d'alarme et de désespoir retentirent. « Ah, mon Dieu !» disaient plusieurs voix désolées. « Mon Dieu, quel malheur !» Et les hôtes du grand salon se levèrent précipitamment et s'élancèrent au dehors.